mardi 21 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les refuges d'urgence de Québec débordent littéralement. Selon le regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes, le taux d'occupation des centres d'hébergement d'urgence atteint 99% depuis le début de l'année. Du jamais vu, la situation est semblable à Lobrivière, à l'Armée du Salut ou encore au YWCA. Leurs intervenants ont pris la parole ce matin pour alerter le gouvernement. Tous ont déploré avoir refusé à plusieurs reprises l'entrée à des personnes en difficulté, faute de place pour les accueillir. L'utilisation de lits d'urgence serait également de plus en plus fréquente. Sur la scène culturelle, c'est la jeune poète Erika Soucy qui est récompensée dans le cadre des prix de création littéraire 2017. Dans le roman Les Murailles, elle raconte le quotidien des travailleurs du chantier de la Romaine. L'originalité du sujet et la justesse de la langue ont convaincu le jury de lui remettre le prix dans la catégorie littérature adulte. Et côté jeunesse, c'est l'auteur Martin Fournier qui remporte les honneurs pour le tome 3 des aventures de Radisson. Les récipiendaires reçoivent chacun 5 000 $ de la Bibliothèque de Québec et du Salon international du livre de Québec. Le trafic est bel et bien en hausse à Québec. En 10 ans, le parc automobile de la région a cru de 17%. C'est plus que la moyenne de 13% observée dans la province. En tout, 115 000 véhicules de plus sillonnent nos rues pour un total de 770 000 automobiles. De l'eau au moulin des partisans du troisième lien, mais aussi de ses détracteurs qui évoquent le problème de l'étalement urbain. On ne craint plus pour la vie du piéton happé ce matin par une voiture à Lévis. L'homme de 60 ans a subi de graves blessures après s'être subitement engagé sur le boulevard Guillaume-Couture dans le secteur Saint-David. Selon les premières informations, la camionnette qui circulait sur la voie n'a pas eu le temps d'éviter la collision. Les policiers n'écartent pas l'hypothèse du geste volontaire. Et aux États-Unis, les autorités interdisent les appareils électroniques sur une cinquantaine de vols en partance du Moyen-Orient. Tablettes et ordinateurs portables seront proscrits au cours des prochains jours sur ces vols qui concernent en tout 8 pays. Les responsables américains évoquent ouvertement une menace terroriste. Printemps, été, automne, hiver, météo. On profite encore une fois d'une très belle journée côté météo. Le mercure va grimper jusqu'à 6 degrés. Il fait 5 degrés présentement et c'est très ensoleillé. Cependant, ce sera plus froid demain et même que de la neige et de la poudrerie sont au programme la nuit prochaine puisqu'Environnement Canada annonce l'arrivée d'un système météo qui va laisser la nuit prochaine entre 5 et 10 cm de neige. Les vents vont souffler également entre 40 et 60 km. Demain, mercredi, quelques averses de neige également, un maximum de moins 12 degrés. Puis jeudi, c'est le retour du soleil. Le mercure grimpera alors à moins 4 degrés.